Alors, justement, les figures qui vont s'imposer après cette expérimentation autour de Télémas Perrot et de Godard, et aussi celle de Jean-Marie Serrault que tu as cité tout à l'heure, l'expérience de la télé communautaire romaine, c'est évidemment la figure de Carole Roussopoulos et de Paul Roussopoulos. Et donc, Paul, on aurait très envie que tu nous racontes un peu comment... où Carole et toi étiez en 68, en mai 68, ce que vous faisiez et comment s'est effectuée cette rencontre avec la vidéo, comment Carole s'est emparée de la vidéo et comment toi aussi tu t'es impliquée dans cette aventure sous le nom qui sera en fait donné plus tard, un petit peu plus tard, 2 ans après les premières expériences que vous avez menées en vidéo, qui sera nommée par la suite Video Out en 1971, d'après ce que j'ai pu recouper et ce que je sais de toi. On aimerait beaucoup t'entendre donc, là-dessus, sur ton parcours et celui de Carole. C'est ce que peut-être je voudrais dire au départ, c'est que Carole avait déjà un rapport avec l'image. Et elle travaillait dans un journal qui évidemment peut faire sourire un petit peu, Vogue, mais dans ce journal, les cultes de la belle photo étaient présents. Et Carole, donc, elle s'est formée là-dedans. Et elle avait cette attirance pour l'image, et spécialement la photo, évidemment, parce que elle pensait, comme moi aussi un peu plus tard, que les 16 mm et les 35 mm, c'était inaccessible, même financièrement. Hein, c'est-à-dire que l'idée d'appuyer sur une gâchette et voir un défilé des billets des banques, c'était difficile. Et en fait, c'est un hasard au départ, une rencontre, et même elle-même assez étrange, avec Jean Genet. Si je les cite, c'est pas parce qu'il était célèbre, parce que tout simplement, Genet à l'époque fréquentait énormément des clochards. Donc à la limite, on pourrait penser que nous aussi, on était un peu des clochards. Hein? On n'était pas des gens importants. Donc on l'a connu comme ça. Et on a eu quand même un contact avec lui. Et il se trouve que dans ce bistrot où on se trouvait, il y avait un troisième personnage qui s'appelait Prado et qui, lui, connaissait les demi-pouces Sony déjà. Et il avait parlé à Genet. Et à un moment donné, Carole arrive dans ce bistrot et... en pleurant, parce qu'elle s'était fait vider par Vogue, parce que tout simplement, elle avait participé à des manifestations, disons, gauchistes. Et c'est Genet qui nous a parlé donc avec Prado de cet appareil. Et on est allé voir dans un magasin. Et puis là, un petit peu assez inconscient, eh bien, Carole avait un chèque des licenciements, et elle a acheté comme ça les petits Sony, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et là, il se trouve que Carole avait quand même deux capacités extraordinaires. La première, c'est qu'elle avait le sens de l'image, et la deuxième, c'est que elle avait une capacité de contact avec les gens courants, normaux. Elle-même, elle était normale. Elle n'était ni une grande intellectuelle, ni une grande cinéaste. Donc, elle est rentrée là-dedans avec des envoltures et sans prétention. Le groupe Video Out, c'était elle, en fait. Hein? Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, à l'époque surtout, qui était une époque un peu, je dirais, phallocratique, pour employer les termes rigolos. Et chaque fois qu'il s'adressait à nous deux, en fait, il s'adressait à moi, automatiquement, à tel point que j'ai été obligé, à un moment donné, quand on recevait quelqu'un, même le plus gaucho possible, et qui arrivait et il commençait à nous parler, il me parlait, et j'étais obligé de regarder les plafonds comme s'il y avait des mouches pour l'obliger d'échanger d'interlocuteur. Hein, je vous assure que c'était ça. À tel point qu'à la fin, c'est devenu une habitude. Hein? Alors, ceci pour dire que la vidéo a commencé comme ça. Et moi, il ne faut pas me demander autre chose que... On avait une différence d'âge avec Carole. Je l'ai appuyée autant que je pouvais, mais sans plus. Je n'étais pas passionné par l'image des... L'idée de filmer les gens ne m'attirait pas. Je préférais les contacts avec les gens, mais pas à travers un écran. Dès que je me mettais derrière un écran, je perdais une partie de la personne qui était en face de moi. Tandis que Carole, c'était le contraire. Et donc, j'ai aidé Carole autant que c'était possible. J'ai été un petit peu le technicien dans les sous-sols. C'est-à-dire que chaque fois qu'une machine tombait en panne, chaque fois qu'il a fallu à un moment donné même ouvrir les machines pour voir ce qu'il y avait dedans. Et très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas si compliqué que ça. Et donc, quand elle tombait en panne, je la modifiais pour qu'elle retrouve que par une deuxième erreur, elle trouve les vrais. Et c'était une dialectique assez étonnante. Donc, j'ai fonctionné, si vous voulez, à l'appel. Hein? Par contre, au point de vue, je dirais, d'une implication physique, là, j'étais présent. Et j'ai aidé, surtout dans la diffusion et dans la... Oui. Dans le montage. Pardon? Dans le montage. Dans le montage, pas tellement. Techniquement. La mise au point du montage. Oui, techniquement aussi. Tous les problèmes qui pouvaient arriver, je les affrontais parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, ma formation, j'étais physicien, mathématicien. Donc, j'avais la capacité d'affronter ce genre de machines qui paraissaient un peu miraculeuses à première vue, mais qui en fait pouvaient être démystifiées assez vite. Voilà en gros. Donc, moi je peux parler de Carole, mais de moi je n'ai pas grand-chose à dire. On parlera tout à l'heure de la technique du chronomètre, mais on en parlera dans un second temps. Mais peut-être pourrais-tu quand même préciser ton propre parcours. Tu es d'origine grecque. Tu es réfugié politique grec, peut-être que tu peux donner quelques éléments là-dessus et sur le parcours de Carole et votre expérience de mai 68. On avait des parcours totalement différents en apparence, mais les résultats étaient devenus les mêmes. C'est-à-dire que Carole est partie de sa famille qui était déjà cassée, hein, mère divorcée, etc., etc. Et elle était partie et presque pour refaire sa vie. Et face à une famille, tout ce qui en restait, disons, était conventionnel et complètement, enfin, disons, normalisé. Et elle arrive donc à Paris, et c'est sa révolte. Donc c'est une femme révoltée à 22 ans, 23 ans. Quant à moi, j'étais beaucoup plus vieux qu'elle, et moi je venais tout à fait d'une autre histoire. C'était la guerre, l'occupation, la résistance, la désillusion, surtout la désillusion. C'est-à-dire, pour résumer, je dirais que pour moi, dans les années 50, les trios Staline, Roosevelt et Churchill, pour moi, c'était l'enfer. C'est-à-dire que je les mettais tous les trois dans les mêmes paniers, et le même cynisme, et pas seulement Staline, et pas seulement Churchill, et pas seulement Roosevelt. Et je dirais que c'était ma ligne. J'ai vécu toute ma vie autour de ce trio, hein, qui a cassé ma vie. Hein, et pas la mienne seulement, hein, mais des gens de ma génération. Alors, je dirais que quand j'ai connu Carole, j'étais dans cette étape, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, toutes ces organisations politiques, elles n'avaient aucun sens. C'était du blablabla. Dans ma tête, je les voyais bien. Et du reste, la vie a montré que la plupart, on virait l'air cuti. Par contre, moi, je suis resté fidèle à moi-même. Peut-être que c'était une preuve de bêtise. Mais ça ne fait rien. Je l'assume. Donc, on s'est retrouvés, les deux personnes, on s'est retrouvés comme ça, avec des passés différents, mais la conclusion était la même. Elle, au niveau de la famille, des structures sociales, etc., etc., et moi, un peu plus large, mais en même temps aussi étroit, puisque c'était lié à l'histoire de la Grèce. Donc, moralité, on s'est retrouvés là-dessus, et on a fonctionné comme un gang, hein, beaucoup plus que comme un couple, c'est-à-dire que des complices. On a été complices, et puis chacun, et puis il faut dire aussi que, en ce qui me concerne, j'avais déjà fait ma vie. Hein, j'étais mathématicien, j'étais enseignant, j'avais pas de problème. C'est ce que je voulais faire, je l'avais fait. Donc je vais dire que je pouvais recommencer une autre vie, nouvelle. Mais il y avait une ancienne qui me soutenait. Donc j'ai pas eu de problème. Je l'ai aidé d'une manière très matérielle. Et je reviens donc à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que finalement, j'ai participé, j'ai beaucoup participé, mais dans les sous-sols. Voilà.